franceinter.fr. Poutine, plus fort que Brejnev. Si l'ancien président et actuel premier ministre russe réussit, comme c'est probable, à se faire réélire à la présidence en 2012, il peut espérer régner sur le Kremlin jusqu'en 2024, c'est-à-dire au terme de deux mandats de 6 ans que la Constitution lui permet d'exercer. 12 ans donc, plus ses 8 ans de présidence de 2000 à 2008, cela fera 20 ans. Et peut-être faudrait-il ajouter ces 4 ans pendant lesquels il a été Premier ministre et où il a pesé de tout son poids sur le pouvoir face au Palo Medvedev. 24 ans à la tête de l'État russe, donc, si la fortune lui sourit. Léonid Brejnev, lui, ne sera resté numéro 1 que 18 ans. Et seul Staline, si j'ose dire, a fait mieux en demeurant maître de la Russie pendant 30 ans. Poutine, en annonçant récemment qu'il serait à nouveau candidat, aurait donc mis fin à une farce. Et tous ceux qui croyaient que l'élection présidentielle de 2012 permettrait une authentique confrontation entre le modernisateur Medvedev, réputé plus libéral et proche de l'Occident, et le nationaliste autoritaire Poutine, ont l'impression d'avoir été bernés et même cocus, soyons francs. Monsieur X revient donc sur ce faux duel qui a tenu en haleine tous les observateurs et spécialistes de la Russie post-soviétique. Un faux duel, mais un vrai pacte. Poutine et Medvedev, depuis le début, auraient été d'accord pour interchanger leurs fauteuils quand viendrait le temps de l'élection présidentielle. Mais Monsieur X a des doutes. La semaine passée, je vous ai parlé du martyr de l'avocat Sergueï Magnitsky, mort en détention pour avoir osé dénoncer la corruption de la police, de l'administration fiscale, mais aussi de la magistrature. Une affaire qui risque d'entraîner de graves difficultés pour la Russie, puisque les noms de 300 hauts fonctionnaires figurent aujourd'hui sur une liste noire qui pourrait les empêcher de voyager à l'Ouest. Mais j'aurais pu également évoquer le cas de Valéry Alexanian, l'ancien numéro 2 du groupe pétrolier Yukos. Oui, c'était l'adjoint de Mikhail Khodorkovsky. Hein. C'est ça. Alexanian était lui aussi emprisonné. Comme son patron, condamné à une lourde peine d'enfermement à l'issue d'un procès plus que douteux. Khodorkovsky, qui, entre parenthèses, continue dans sa prison d'être victime des brimades de l'administration pénitentiaire. Un blâme vient de lui être infligé, parce qu'il a offert un paquet de cigarettes à un co-détenu. Ouais, c'est grave, ça. Ouais. Alors, son adjoint hein. Alexanian a donc été jeté en prison, atteint d'un sida qui a dégénéré en cancer du foie, puis en tuberculose. Il n'a reçu aucun soin tant qu'il n'accepterait pas de témoigner contre son patron. Ouais, une forme de chantage et même de torture, hein, comme dans le cas de Magnitsky, lui aussi gravement malade en détention provisoire. Et dont on voulait obtenir qu'il retire sa plainte contre quelques fonctionnaires corrompus, oui. Mais Magnitsky n'a pas cédé, et il en est donc mort. Alexanian, lui, a fini par être relâché, après qu'on a rendu publique une photo de lui, à demi aveugle et attaché sur le lit de sa cellule. Ouais, une image qui a provoqué une intense émotion, en particulier à l'étranger. Hein. En effet. Cependant, cet homme de 39 ans n'est pas resté libre très longtemps. Il est décédé au début du mois d'octobre. Deux affaires qui montrent que les atteintes aux droits de l'homme sont une réalité préoccupante dans la Russie d'aujourd'hui. Alors bon, je ne vais pas dresser un catalogue de toutes ces atteintes, mais voyons quand même ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, en 2009. Ouais, c'est l'année où Magnitsky est mort. Hein. En novembre, oui. Mais auparavant, il y avait eu l'assassinat de l'avocat des droits de l'homme, Stanislav Markelov. Puis l'enlèvement et le meurtre d'une chercheuse de l'ONG Mémorial, Natalia Estemirova. Mmh. Autant de crimes jamais élucidés. Hein. Mais ne vous étonnez pas. En Russie, ces assassinats demeurent généralement impunis. Souvenez-vous de l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya en octobre 2006. Son meurtrier n'a toujours pas été jugé. Quant au commanditaire, il n'a jamais été identifié. Ouais, mais le voulait-on vraiment ? Ah ben ça, c'est une autre question. Alors, un petit rappel, si vous le voulez bien, à propos de cette journaliste. Même si nous en avons parlé autrefois, Anna Politkovskaya était reporter au journal Novaya Gazeta. Un journal qui était généralement très incisif vis-à-vis du pouvoir. Et de Vladimir Poutine en particulier. Anna avait en effet publié des articles sans concession sur la politique du Kremlin en Tchétchénie. Ouais, elle avait dénoncé les multiples exactions de l'armée russe et des organes de sécurité. Hein. Torture, enlèvement, exécution sommaire et j'en passe. Elle était donc forcément dans la ligne de mire du pouvoir. Et du satrape que Moscou a mis en place à Grozny, Ramzan Kadyrov. C'est le dictateur qui vient de fêter somptueusement son anniversaire en compagnie de quelques vedettes internationales du sport et du showbiz. Oui, qui ont fait acte de présence à Grozny contre un gros chèque. Je ne trouve pas cela très glorieux, mais enfin passons. Politkovskaya, donc, elle savait qu'elle était en danger. Elle avait fait l'objet de filatures et elle avait reçu des menaces. Toutefois, cette journaliste déterminée et courageuse n'avait nullement l'intention de s'arrêter d'écrire sur la Tchétchénie. D'ailleurs, à l'heure de sa mort, je crois qu'elle était en train de boucler un nouvel article très critique sur son sujet de prédilection. Ouais. Est-ce qu'elle avait pris des mesures de protection pour autant ? Oh, bah, elle se méfiait, c'est certain, mais elle ne disposait pas de garde du corps à l'image de tous les gens qui font des affaires en Russie. Le 7 octobre 2006, donc, jour de l'anniversaire de Poutine... Oui, jour de l'anniversaire de Poutine, vous soulignez. Hein. Un ou plusieurs tueurs attendent la journaliste alors qu'elle rentre chez elle. Et on retrouvera son corps criblé de balles dans l'ascenseur de son immeuble. Oui, la nouvelle provoque une vague d'indignation dans le monde entier. Hein. Et bien sûr, le Kremlin et Poutine sont montrés du doigt. Ah oui, selon l'adage, à qui profite le crime ? Naturellement, parce que Politkovskaya était une opposante résolue. Oui, une gêneuse, quoi. Et réaction du président russe, alors ? Ah ben, dans un premier temps, aucune. Et puis quand même, à l'occasion d'une visite en Allemagne, il répond à quelques questions sur la mort de la journaliste. Et il répond tout bonnement que ce qu'elle écrivait, je cite, était insignifiant. Le mépris, quoi. Mais aussi une façon de dire qu'elle n'était pas assez importante pour qu'on la fasse tuer. Ça, c'est votre interprétation personnelle. Non, je crois simplement que Poutine a voulu dire que ses articles n'étaient que des piqûres de moustiques. Mais le président russe a aussi répondu à une question plus précise sur l'identité des assassins. Et là, Poutine s'en est tiré avec une pirouette. Les assassins étaient certainement des ennemis de la Russie qui voulaient provoquer une vague de sentiments anti-russes. C'est donc que cette journaliste n'était pas aussi insignifiante qu'il le prétendait. Oui, hein. Les propos de Poutine sont franchement contradictoires. Alors, voyons maintenant l'enquête. Et disons tout de suite qu'on en est toujours au point mort. Ah, il y a tout de même des suspects, non ? Oui, la police et justice ont procédé à des heures d'interrogatoire. Ont été ciblés un par un, Tchétchène. Très proche des services secrets. Le FSB. Hein. Oui, mais aussi des agents de ce même FSB et des officiers de police. 4 présumés coupables ont même comparu devant un tribunal. Ces policiers et ces agents du FSB, c'est ça. Les audiences se sont déroulées hors de la présence de la presse. Et ces 4 hommes, des lampistes à l'évidence, ont fini par être relaxés. Faute de preuves, ont dit les magistrats. Il n'empêche qu'un lieutenant-colonel du FSB est toujours sur la sellette. C'est lui qui aurait organisé le crime et fourni l'arme du crime au tueur. Mais à ma connaissance, il est toujours libre. Et le présumé tueur aussi ? Celui-là, un homme de main tchétchène, a fui la Russie grâce à un vrai faux passeport fourni par le FSB. Toujours le FSB. Malheureusement, oui. Mais il a été arrêté à Grozny. Mais à mon avis, dans la Tchétchénie de Kadyrov, il ne risque qu'une chose, une élimination physique, quoi qu'il en soit. Cette enquête, même inachevée et incomplète, a mis en lumière la corruption qui existe dans les services de sécurité. Autre point essentiel, il a été établi qu'Anna Politkovskaya était suivie et écoutée en permanence par la police et le FSB. Conclusion, les tueurs ont dû être formellement identifiés. J'en suis persuadé. Reste la question du commanditaire. Je pense que son identité ne sera jamais révélée. Pour compléter ce passage consacré à l'assassinat d'Anna Politkovskaya, je vous propose un extrait d'un récent article de la correspondante du Monde à Moscou, Marie Gégaud. La technique de l'enfumage, grande spécialité des services, est efficace. Le temps passe, les enquêtes se succèdent, l'opinion oublie. Reste l'efficacité suprême de la balle dans la tête, une méthode appliquée le 15 juillet 2009 à Natalia Estemirova, la représentante en Tchétchénie de l'ONG des droits de l'homme Mémorial, qui était aussi la principale informatrice d'Anna. Ces assassins courent toujours. Dans l'affaire Politkovskaya, deux énigmes sont fermées à double tour. Qui est le commanditaire? Quel rôle ont pu jouer les hommes en épaulettes? Agissait-il pour le compte d'un commanditaire véreux ou pour celui de l'État? À ces questions, le FSB ne répond pas. L'institution placée au-dessus des lois a systématiquement refusé de coopérer avec la justice. Pourtant, chacun sait ici qu'avant sa mort, Anna Politkovskaya était suivie et écoutée par le FSB et le MVD. Comment les hommes, aguerris qu'ils l'épiaient, n'ont-ils pas vu ce qui se tramait ? La corruption n'est pas nouvelle en Russie. Vous savez bien qu'elle existait déjà au temps de l'URSS. Ouais, on parlait même de mafia rouge. Oui, c'était un système pyramidal et centralisé, calqué sur l'organisation du Parti communiste. Ouais, parce que c'était souvent les cadres du parti qui étaient les rouages de cette activité criminelle. Exactement. Alors, inutile de remonter très loin, mais ces pratiques mafieuses sont sans doute nées à cause des insuffisances du système de distribution qui a engendré la pénurie et par voie de conséquence, le marché noir. Ouais. Et c'est toute la société soviétique qui a été gangrenée, jusqu'aux plus hauts échelons du pouvoir. Hein. Jusqu'au Kremlin, vous pouvez le dire. Et quand l'Empire a implosé, ces pratiques se sont presque naturellement perpétuées. Ouais. Avec l'assentiment des nouveaux dirigeants. Bien sûr. Mais enfin, ne parlons pas de Boris Eltsine, qui était entièrement dans les mains des oligarques qui ont dépecé la Russie. Mais quand Poutine a été élu à la présidence, rien n'a fondamentalement changé. À part le fait que cet ancien officier du KGB a remplacé les anciens oligarques par des hommes élevés. Ouais, parce que le KGB et aujourd'hui le FSB étaient partie prenante de ce système corrompu. Et la semaine passée, dans la première partie de notre entretien d'aujourd'hui, je crois vous avoir démontré que le FSB était impliqué dans la plupart des mauvais coups dont nous avons parlé. Et n'évoquons même pas les mystérieux attentats de 1999 qui ont permis à Poutine d'accéder aux plus hautes marches. Ouais. Des attentats, on a parlé ici même, qui auraient été perpétrés par des membres du FSB. Justement. C'est presque certain. Aussi, quand Medvedev a été élu président, puisque Poutine, selon la Constitution, ne pouvait se succéder à lui-même, on a espéré que les choses allaient changer. Ouais, Medvedev, le monsieur propre de la Russie. Ah bah c'est ainsi qu'on l'a vu, surtout en Occident. Mais en Russie aussi, on s'est mis à espérer. Ce jeune président, au visage avenant, allait mettre fin aux dérives criminelles et nettoyer les écuries d'Ogia. Ouais, aussi mettre fin à l'absolutisme du tsar Poutine. Moi, ça, il ne pouvait l'exprimer publiquement. Mais il est vrai que dès qu'il s'est installé au Kremlin, il a annoncé qu'il voulait moderniser la Russie et également lutter contre la corruption. Un beau programme. On y a cru, d'autant plus qu'à de nombreuses reprises, Medvedev a montré des velléités d'indépendance. Par rapport à Poutine. Bien entendu. Ouais. Et il a même parfois pris le contre-pied de Poutine en prenant des décisions que ce dernier ne pouvait approuver. Il lui fallait aussi affirmer son autorité. Et il n'a jamais manqué d'affirmer que le véritable pouvoir se trouvait au Kremlin. Il procédait donc du président de la Fédération. Mais c'était du trompe-l'œil. Certes. Mais ça correspondait quand même à une certaine réalité de la société russe et des luttes de pouvoir entre les différents clans. Je crois vous en avoir parlé il n'y a pas si longtemps. Dans la Russie d'aujourd'hui, deux blocs s'affrontent. Les siloviki et ceux qu'on appelle dorénavant par un autre néologisme, les sibiliki. Ouais, décrypté. Siloviki, c'est un terme forgé à partir du mot sila, qui veut dire la force. Ce clan réunit les membres des organes de sécurité. Police, armée, services de renseignement et plus généralement le complexe militaro-industriel. Et en raison de son passé de KGBiste, Poutine est presque naturellement leur champion. Oui, mais derrière, il y a une idéologie. Bien évidemment. Les siloviki veulent que la Russie recouvre au plus vite son ancien statut de grande puissance. Ils sont donc partisans d'un pouvoir fort, d'une démocratie limitée. Une démocratie souveraine, comme disent les idéologues de ce clan tout-puissant qui règne sur la Russie depuis la première élection de Poutine. Et donc, pas une démocratie telle qu'elle existe en Occident. D'ailleurs, il faut remarquer que ces gens-là sont plutôt anti-occidentaux et très nationalistes. Mais au fond, ce sont des nostalgiques de l'URSS. Et même de l'ancien régime tsariste. Poutine n'arrête pas de se comparer à Stolypine. ou en tout cas de faire référence à ce premier ministre du tsar, Nicolas II. Et ce n'est pas un hasard. Et Stolypine, dont on dit qu'il a été l'un des grands hommes d'État de la Russie tsariste. En effet. Alors, un tout petit peu d'histoire, mais enfin, rassurez-vous, je ne vais pas être très long. Mais ça me semble nécessaire, parce que lors de la prochaine élection présidentielle, il sera, à mon avis, beaucoup question de ce Stolypine. Cet aristocrate provincial était d'abord un homme d'ordre. Il l'a montré en luttant avec fermeté et même avec la plus grande brutalité contre les révolutionnaires russes du début du XXe siècle. Il en a fait pendre quelques milliers. C'est pourquoi on a utilisé cette sinistre expression, la cravate de Stolypine. Oui, mais en même temps, pour étouffer la vague révolutionnaire, il a mis en place une réforme agraire. En gros, il a permis aux paysans de quitter leur commune afin d'aller coloniser des terres vierges. Et de devenir propriétaires. Tout en favorisant les classes supérieures afin de diminuer le poids électoral des ouvriers et des paysans. Oui, c'était donc pas un démocrate. Ah, hein. Loin de là, mais c'est ce qui doit plaire à Poutine. C'était un homme à poigne et aussi un précurseur dans l'utilisation des méthodes policières modernes. Mmh. Il a fini assassiné. Hein. En 1911, oui, par un homme qui était affilié à la police secrète. L'Okhrana tsariste. Ouais, l'ancêtre du KGB, en somme. Et en face, alors, de ces siloviki, la si chère à Poutine, on trouve donc les siviliki. Et comme leur nom l'indique, ce sont des représentants de la société civile. Sur le plan économique, ce sont des libéraux. Et on trouve dans leur rang nombre d'hommes d'affaires et de dirigeants de grandes entreprises. Et politiquement, alors, où se situent-ils ? Ils s'affirment démocrates et surtout partisans d'un rapprochement avec l'Union européenne. Et Medvedev est apparu comme étant leur représentant. Oui, Medvedev qui voulait donner l'image d'une Russie moderne, ouverte sur le monde et débarrassée de ses anciens démons totalitaires. Ouais. Mais concrètement, est-ce que Medvedev a donné des signes montrant qu'il voulait vraiment réformer son pays ? Oui, prenons l'exemple de Gazprom, la plus importante entreprise du pays. Un État dans l'État, car la richesse actuelle de la Russie ne repose que sur l'exploitation de ses ressources en gaz et en pétrole. Medvedev a commencé à y faire le ménage en chassant quelques tchéquistes qui y avaient fait carrière. Et c'était donc a priori des amis de Poutine, ces tchéquistes-là. On a même pu penser que Medvedev, en installant quelques fidèles à la direction de Gazprom, avait commencé sa campagne présidentielle. Car si on y réfléchit bien, les vrais intérêts de cette gigantesque entreprise qui fournit en gaz une bonne partie de l'Europe se trouvent dans un système économique ouvert et libéral. Ouais. Autre exemple d'indépendance de Medvedev, hein. La question caucasienne. Une véritable épine plantée dans le flanc méridional de la Fédération de Russie. Oui, à cause de l'instabilité qui règne dans toutes ces républiques où la population et généralement d'obédience musulmane. Hein. Et on ne compte plus les attentats et les incidents violents qui émaillent la vie de ces petites républiques. Des centaines chaque année. Et pour résoudre cette crise latente, Poutine et Medvedev ont opté pour des politiques différentes. Ouais, expliquez là. Pour Poutine, c'est la politique de force et de répression à tout va qui doit l'emporter. C'est l'application du principe poutinien de la verticale du pouvoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bah, tout doit procéder de l'exécutif russe qui a passé un pacte avec les élites locales. On vous donne de l'argent, et les républiques du Caucase coûtent très cher à la Russie, et en contrepartie, vous vous engagez, avec notre aide, à faire régner l'ordre chez vous. Par tous les moyens. C'est à peu près ça, y compris les plus violents. Et Medvedev, lui, n'est pas d'accord ? Non. Toutefois, il l'a montré à sa manière, très prudemment. Mais en usant de ses prérogatives présidentielles, en Ingouchie, mais aussi dans d'autres républiques de la Fédération, il a entrepris de démettre des gouverneurs ou des ministres mis en place par Poutine. Et des hommes issus des rangs de l'ancien KGB, j'imagine. Et ça a forcément donné lieu à quelques escarmouches entre les deux hommes. Chacun d'entre eux veillant à ce que l'autre n'empiète pas sur son précaré. Bref, on avait alors l'impression d'une paix armée entre les deux hommes. Ça y ressemblait, en tout cas. Et sans nul doute, l'épine caucasienne est l'une des questions où l'opposition entre les deux hommes a pu s'exprimer le plus ouvertement. Medvedev a ainsi refusé la nomination d'un haut fonctionnaire désigné par Moscou dans une autre république caucasienne, le Daghestan, un territoire où l'agitation ne cesse de croître et d'inquiéter. Mais l'agitation islamiste. Oui, c'est au Daghestan qu'on a vu apparaître une nouvelle organisation musulmane d'inspiration salafiste, la Sharia Jamaat, qui a déjà perpétré nombre d'assassinats et d'attentats. Mais pour revenir à la compétition entre Medvedev et Poutine, l'affrontement demeurait encore feutré. En venir aux mains, c'était risqué de tout perdre. Mais comment l'expliquer aujourd'hui à la lumière de ce lancer ? Il n'y a que deux hypothèses. Ou Medvedev et Poutine avaient réellement passé un pacte. Ou alors, Medvedev a eu peur. Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter. Politologue et criminologue, Hélène Blanc explore depuis 20 ans le monde de la mafia russe. Auteure avec Renata Lesnik des Prédateurs du Kremlin, elle analyse le système Poutine dans une interview accordée en 2009 à Libération. Poutine a installé au Kremlin une nouvelle idéologie, une espèce de national-tchéquisme, une sorte de supranationalisme arrogant et agressif. Il ne dit pas KGB, mais se réfère à la Tchéka, son ancêtre noble créé par Lénine en 1917. Le KGB est un phénix qui renaît sans cesse de ses cendres. Longtemps, on nous a fait croire qu'il n'était plus qu'un lobby, une forme de franc-maçonnerie. En fait, le FSB, comme on dit maintenant, a gardé les mêmes méthodes de violence et de cruauté et utilise de la même façon le chantage psychologique. C'est une nouvelle dynastie qui va se perpétuer. Aujourd'hui, le FSB terrorise la Russie en toute impunité avec l'aide du Kremlin. Les anciens du KGB donnent libre cours à leur sentiment de revanche car ils n'ont toujours pas accepté la chute de l'Union soviétique et à leur immense besoin de richesse. Les oligarques « made in Poutine » ont déjà remplacé les oligarques de l'époque Yeltsin. C'est un pays où il n'y a plus de contre-pouvoir. Quand vous dites que Medvedev a eu peur, là, que voulez-vous dire? Peur d'affronter Poutine dans les urnes? Eh, pourquoi pas? Mais il faut tenir aussi compte du climat de violence qui règne aujourd'hui en Russie. Il y existe, par exemple, des organisations de jeunes gens fidèles à Poutine qui se conduisent comme des nervis et font le coup de poing, et même pire, contre les opposants et leur maître à penser. Mais alors, Medvedev aurait pu avoir peur physiquement? Après ce que je vous ai dit sur les activités criminelles du FSB, il pouvait avoir des raisons sérieuses de s'inquiéter. Mais est-ce que vous n'exagérez pas, là? Écoutez, libre à vous de le penser. Moi, je suis réaliste. Et je trouve que si réellement Medvedev voulait se battre avec Poutine, eh bien, il s'est couché un peu vite. Trop vite. Parce qu'il faut bien voir ce qui s'est passé avant ce ralliement de Medvedev à Poutine. Leurs affrontements ne se sont pas toujours déroulés à fleur et mouchetée. Le camp Poutine a même lancé des cyberattaques en avril 2011 sur le site de Medvedev. Enfin, sur l'affaire Khodorkovsky, mais aussi sur la politique russe vis-à-vis de la Libye, Medvedev a adopté des positions exactement contraires à celles de Poutine. À propos de la Libye, hein, oui, Medvedev a approuvé les opérations de l'OTAN. La grande fureur de Poutine qui, depuis toujours, tente de limiter l'influence de l'OTAN. On l'a encore vu récemment en Géorgie. En outre, il ne faut pas l'oublier, Medvedev a récupéré un parti politique susceptible de soutenir sa candidature à la présidence. Ouais, qu'est-ce que c'est, Russie juste, c'est un ça? Un concurrent très timide du parti Russie unie de Vladimir Poutine. Et à cette occasion, on a assisté à un événement très curieux. Avez-vous déjà entendu parler de Mikhail Prokhorov? Ouais, c'est un milliardaire russe, hein, oui, je crois. Oui, un homme qui a fait parler de lui en France par ce qu'il a été accusé de proxénétisme à l'occasion d'une fête un peu tapageuse organisée à Courchevel, en compagnie de superbes jeunes femmes russes arrivées en France dans l'avion privé du milliardaire. Ouais. Oui, des prostituées. Allons, pas de gros mots, c'était des escort girls. En tout cas, après 4 jours de garde à vue, Prokhorov a été libéré, même blanchi. Et il n'y a pas si longtemps, l'ambassadeur de France à Moscou lui a remis la Légion d'honneur. Ben voyons. Ben, il faut dire que ce Prokhorov fait d'excellentes affaires en France, où il entretient de très bons rapports avec le groupe Bolloré. Cependant, ce n'est pas là où je voulais en venir. Prokhorov a soudain été saisi du démon de la politique. Alors, comme Khodorkovsky, autrefois, ben, ça ne lui a pas porté chance. Hein. En effet. Malgré tout, Prokhorov se lance. En mai 2011, il se porte à la présidence d'un obscur parti libéral, Juste Cause, créé en 2008. Un parti de droite. Très conservateur. Le milliardaire prône la semaine de travail de 60 heures et le recul de l'âge de la retraite. Détail intéressant. Prokhorov agit en accord avec Medvedev, pour lequel il a clairement l'intention de rouler, et dont il voudrait même devenir le Premier ministre si ce dernier était élu à la présidence de la Fédération. Mmh. Et Poutine, alors? Oh, il ne s'est apparemment pas manifesté. Donc il a laissé faire. Mais en septembre, coup de théâtre, alors que Prokhorov ouvre le congrès de ce nouveau parti, il est viré de la tribune par des hommes de main à la solde de Poutine. Prudent, Prokhorov met un terme provisoire à ses ambitions politiques. Alors, est-ce un coup de semonce adressé à Medvedev? Ça y ressemble, non? Enfin, moi je n'oublie pas qu'au mois d'avril, c'est-à-dire seulement quelques mois avant de renoncer, Medvedev a déclaré dans une interview à propos de sa possible candidature à un second mandat présidentiel, ça je cite de mémoire, Personne ne connaît l'avenir, mais j'y pense. Je suis en tant que président contraint d'y penser. Aussi, je n'exclus pas de me présenter à un nouveau mandat. Il a dit qu'il ne tarderait pas à prendre une décision. Puis il a ajouté un coup de griffe à Poutine en critiquant l'état de son pays. Ce qui était bon il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. Le moment du changement est venu. Et vous pensez que ce n'est pas le discours d'un homme qui, quelques mois plus tard, va se coucher, pour reprendre votre expression? Ça me paraît évident. Peut-être. Mais la soudaine, étonnante défection de Medvedev ne pourrait-elle aussi s'expliquer, comment dirais-je, par une subtile opération de communication? Non, on fait semblant de se disputer pendant de longs mois, et brusquement, l'un des adversaires rend les armes. Et embrassons-nous Folleville, hein, tous derrière Poutine. Oh, vous avez peut-être raison, mais je me répète, j'ai des doutes. Et il n'est pas exclu que d'autres surprises se produisent. Comment décrypter, par exemple, l'épisode Koudrine? Koudrine, qui est-ce, là? Depuis 2000, Alexis Koudrine, que Poutine n'appelle jamais autrement que Lyosha, est le ministre inamovible des Finances, un natif de Saint-Pétersbourg, lui aussi. Comme la plupart de ses amis, hein. Or, le jour où on apprend le tour de passe-passe entre Poutine et Medvedev, Koudrine se fâche et déclare qu'il ne sera jamais le ministre de Medvedev. Et en même temps, il critique avec la plus grande sévérité les options économiques de Medvedev, qui sont pourtant aussi celles de Poutine. À tel point que Medvedev, toujours président, a dû le limoger. Alors, comment expliquez-vous cet éclat, là? Ben, Koudrine se voyait peut-être vizir à la place du vizir. Ah oui, il espérait devenir le prochain premier ministre de Poutine? Et imaginez que Medvedev ait eu vent des ambitions de ce très cher ami de Poutine. Ça expliquerait aussi pourquoi il s'est rangé si vite dans le camp de celui qu'il avait pensé à un temps concurrencer. Après tout, devenir le premier ministre de la Russie, bah, ce n'est quand même pas la pire des destinées, même sous Poutine. Un samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous. Rebecca Denante a préparé cette émission réalisée par Stéphane Combe et illustrée de quelques notes de musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, un bain de verre. C'est au de mon amour de Denis Chessou.